La France pendant la Deuxième Guerre. Troisième partie, la collaboration. Pendant toute cette période, les dénonciations étaient devenues une folie. On écrivait des lettres anonymes aux autorités allemandes ou aux milices collaborateurs dans la zone sud pour dénoncer ceux qui abritaient des juifs chez eux, ceux qui faisaient partie de la résistance ou ceux qui pratiquaient le marché noir. Des centaines de milliers de lettres de dénonciation ont été adressées à Vichy ou à la Gestapo. Souvent, il s'agissait simplement de règlements de compte entre voisins. L'occupant détient tous les pouvoirs de décision. Les maires, les chefs d'entreprise, les gendarmes, les médecins, les fonctionnaires sont en contact direct avec eux. Qui plus est, l'Allemand est devenu le plus gros consommateur de biens. Vichy a prêté la main aux Allemands dans la lutte contre la résistance et dans la solution finale. L'arrestation du suspect, exécution d'otages, dont certains ont été désignés par le ministère français de l'Intérieur, interrogatoire et torture systématique, application du décret nuit et brouillard, destiné à faire perdre toute trace des résistants arrêtés. 5 à 6 000 personnes ont été assassinées par les nazis en France même, dont une partie avec la complicité directe du gouvernement français et des collaborateurs. 63 000 hommes et femmes ont été déportés vers les camps de concentration allemands, dont 37 000 ont survécu. En 1940 à 1941, on compte presque une trentaine de camps en zone non occupée et plus de 75 000 personnes internées. Dans ces camps, on meurt de cachexie, la maladie de la faim, ou de gastro-entérite. En janvier 1943, le gouvernement français a créé la milice française pour combattre les résistants. En 1944, la milice a contrôlé 80 000 hommes, dont la plupart de la police, qui est devenue une force auxiliaire de l'occupant. Les miliciens ont pourchassé des suspects, instauré des cours martiales, fusillé sans jugement, pratiqué torture et massacre contre une population terrorisée. En novembre de 1942, les Allemands ont envahi la zone libre.